du rap même. Nous on pose et toi t'en dispose. Qu'avec des trois gars qui rap comme dispose. J'milite depuis mes 10 ans, petite voix lui chier mes 10 ans. Mon père s'entendait dire paye ou on te met 10 ans. J'ai vu des mecs mes 10 ans tout en 10 ans. Laisse les francs aux français ou on fait couler le sang. Nous on fait couler le son, couilles collées au caleçon. Passe avec le béton, calcine pour ceux qui sont béton. 20 ans j'passe à l'action, armes, clic et faction. Charbon, bélier, vie en soustraction. Rien dans les factions, sapé au CRS. Petit jeune perturbé, sapé au CNRS. Mec militaire en haute cap, serre les fers. Rap d'Amazon, je ne vois pas d'amateur d'Amazon. Chaque attaque l'alarme sonne, fouette même l'homme le plus ton amigo. Ton crew postillonne des fausses rimes sur les bandes. Tu me reconnais, 12 mesures d'apnée pour l'auditeur qui tremble. Seule la vérité me pousse à faire ce que je fais. Ce qui ne se dit pas c'est tout ce que je veux mettre sur papier. Justicier comme n'importe quel Marvel dans tes shots. Mais militant, mets le feu comme avec du whisky dans le sang. Beaucoup de victimes, peu de vainqueurs. Combien de comptes en banque pullulent sur des bénéfices de coups de pioche. Combien veulent manipuler les faibles avec des stratagèmes tout nazes. Un rap de plus, à mes yeux ça représente trop de choses. Faut savoir que j'ai tout plaqué pour suivre cette cause. Un verre de plus, KDD sans gêne je cause. Pour faire face chaque jour à tous mes problèmes qui se posent. Mon but, comme mes acolytes, brandir mon place. Sans faire de face, être juste dans chacune de mes phrases. Être en paix avec ma personne, devenir un mythe. Pour ces types qui portent mes gènes le jour que mon leur sol. Inverse, mon quotidien serait une aubaine. Des buts torrides, plus de t-shirts mouillés sur scène. D'Achim, c'est temps que je peigne dans le capa. Trop de mères pleurent leurs fils morts à la guerre des pires, morts à la guerre des nerfs, bah, par le commissaire. Peu de crimes commis faire, peu de shit, beaucoup de fer. Des chaînes aux barreaux, des champs de coton, bravo frère. On chante l'espoir pour l'esprit, fort et paré. Toulouse 31, ma couille, lève les bras, c'est carré. J'milite pour les faiseurs d'oseille sur booster. Nique les rappeurs, funky brewster. Sans rémission, j'ai plus peur. Milite pour l'honneur, tête baissée dans l'horreur. J'milite pour les frères, putain. J'mérite pour les sœurs, putain. Trop de clando sur le trottoir, tapine pour les cœurs. Jesus. On nous bourre le crâne chaque minute pour consommer plus. Les industriels choquent ta nuque pour dépenser plus. J'ai parfois l'impression qu'on est la dernière ligne de front. Un pas en arrière c'est l'enfer, lâche pas l'affaire garçon. Big Brother voit ton cul quand tu chies. Ils savent quel dieu tu pries. Mais qui te voit quand t'es tout seul et que tu cries. L'armure se ferme sur ta face, inhalation de sale gaz. OGM dans ta gorge, on te nique ta race. Billy Gates, Monsanto, Brunei et tous leurs amis gèrent le monde comme un vulgaire jeu de Sim City. J'milite contre cette merde avant qu'on se perde. Mister pas comme les autres, j'milite sur scène sans trop faire geste obscène. Ton drape mais rien ne change, voilà pourquoi on se la ramène. Endosse ton blason, car ça va péter j't'assure. Plastifier les personnes passives, j'assure qu'il y aura de la cassure. Manifester après les faits faciles, j'opte pour la prévention. Dis les pour n'avoir qu'une balle dans la tempe, finir comme un con. Moi j'milite contre l'injustice, contre ces pentes enfoirées. Pour qu'un jour on puisse jouir d'un sentiment d'égalité. Une couleur de plus, il faut qu'on applique notre fatalité. Cibler la merde une bonne fois pour toutes, afin d'éradiquer. T'as pas de delta partisan contre ces pentes enfoirées.